La petite comédie Mœurs viennoises par Arthur Schnitzler. Alfred Wilmers à Théodore Dilling à Naples. Mon cher Théodore, mes meilleurs remerciements pour ta lettre. Cher ami, comme je t'envie, comme la vie que tu mènes ressort pour moi d'une façon éclatante des lignes que tu m'écris. Ah, tu t'y entends à vivre dans la solitude, et quand tu as, pendant une heure seulement, contemplé l'azur du ciel, tu as derrière toi un plus long passé que nous autres, lorsque nous avons erré à l'aventure pendant 6 mois entiers. Je t'en supplie, n'appelle pas mon état d'âme le mal de la vie. C'est tout simplement le vulgaire mal du moi. Mais non, même pas cela, c'est l'ennui, pas davantage. Je ne puis pas me le dissimuler, le monde et ses souffrances me sont absolument indifférents. L'autre jour, j'étais en train de l'écrire lorsque j'étais interrompu par Fritz. Dieu du ciel, quelle soirée! Et je voulais pourtant être gai. Ce devait être ma dernière expérience. Je me mis à boire et au lieu d'ivresse, je n'attrapais qu'un mal à la tête. Sa maîtresse fit la coquette avec moi. Cela me mit en colère au lieu de m'amuser. Tout cela est vide, vide, je te dis. C'est absolument certain, pour me secouer, il faudrait qu'il arrivât quelque chose d'extraordinaire. Mais ces choses extraordinaires, pourrais-je seulement les saisir s'ils avaient la bonté d'apparaître? Et puis je serais toujours tourmenté d'un doute. Ce que je rêve d'extraordinaire, n'est-ce pas simplement les choses ordinaires de la vie, cachées sous un déguisement, que je suis trop stupide pour pouvoir pénétrer? Vois-tu, je prévois le moment où je vais regretter de n'avoir pas de talent, un talent quelconque. Je me souviens maintenant, avec une sorte de honte, du temps où parfois je me moquais de toi parce que tu avais du talent. Cela ne me paraissait pas chic du tout, et j'avais un souverain mépris pour les gens qui voulaient faire quelque chose. Et maintenant, je te le dis, si seulement je savais peindre des portraits, je serais heureux. La photographie même, je l'ai complètement laissée de côté. Là non plus, je ne suis arrivé à rien de bon. Mes 2 derniers chefs-d'œuvre étaient le Kahlenberg vu du Leopoldiberg et le Leopoldiberg vu du Kahlenberg. Le voilà donc perdu aussi, l'unique et modeste talent qui me restait pour me distraire. Oui, j'évite avec frayeur toute occasion où la distraction serait possible. Mes dernières déceptions m'ont rendu maussade. Mal de tête au lieu d'ivresse. Voilà la caractéristique de toute mon existence. Il est donc bien naturel que je me garde du vin. C'est aujourd'hui dimanche et en ce moment, pendant que je fais le veau sur mon divan et que je griffonne ces lignes au crayon, ils sont tous aux courses. À 2 heures, Fritz m'a fait demander si je ne voulais pas les accompagner. De la fenêtre, je lui ai fait signe que non. Alors il a filé avec son fiacre et Stangelberger, son cocher, me voyant à la fenêtre en costume du matin, s'est mis à cligner de l'œil en ayant l'air de se dire « Ha ha, une bonne fortune qui se prolonge jusqu'au lendemain !» Hélas, où est le temps où Stangelberger aurait pu avoir raison. Maintenant il est 5 heures. Il fait encore assez chaud. Mes stores sont baissés. Tout est calme et tranquille. En sortant de table, j'ai dormi pendant 1 heure. Je vais m'habiller et aller me promener tout simplement à pied au Prater et assister au retour du derby. Te rappelles-tu cette belle journée du 1er mai avec ces 2 jolies fillettes, là même, au Prater? Il y a 10 ans de cela. Nous avons suivi les 2 petites poupées pendant 1 heure et demie, jusqu'à ce que la maman ait été perdue. Et alors, nous leur avons montré le chemin, te rappelles-tu? D'ailleurs, elles le connaissaient bien, le chemin. Aujourd'hui, je voudrais bien voir qu'on me proposa de courir après une femme pendant 1 heure et demie. Où est-elle, celle pour laquelle je serais capable d'un pareil sacrifice? J'ai rendez-vous avec Fritz, Breidenthaler, etc., au Konstantinhügel. Naturellement, les femmes y seront. Je n'irai pas. Que m'y trompe Fritz avec un autre? Car il s'agit pour elle beaucoup plus de tromper son amant que de m'aimer. Non, je n'irai pas à Konstantinhügel. J'irai aujourd'hui au Würstelprater, mon canaillé. D'ailleurs, je m'installerai devant un Würstel, et lorsqu'on assommera le juif, je m'amuserai comme un ouvrier tailleur. J'irai de là au manège vélocipédique voir pédaler les petites dames avec leur bas couleur arc-en-ciel. Ensuite, chez la tireuse de cartes et chez Prauscher, même dans la salle réservée, puis chez Calafati. Ton serviteur, mon cher. Écris-moi un peu. mes amitiés aux belles napolitaines, ton Alfred.